Du jamais vu chez Delbault Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delvaux Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler de la Ligue Junior 3 avec notre ami Yves Bolduc, notre ancien collaborateur qui est, on sait qu'il est assistant au commissaire Jacques Laporte de la Ligue Junior 3. Il y a une nouvelle qui est sortie hier que la Ligue Junior 3, après une absence de 10... pas loin de 12 ans, ça passe tellement vite le temps. Allait revenir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on en parle avec le commissaire, l'adjoint commissaire Yves Bolduc. Salut Yves! Salut Danny! Yves, bon, hier, la nouvelle a été lancée en grande pompe par les gens de CKJ à l'émission dans le Vessel, Michel Tifot et Dominique Bolduc. Écoute, j'ai pas été surpris de ça parce qu'on avait fait une entrevue l'automne dernier qu'il y avait, il y avait une possibilité d'une franchise, peut-être même deux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, aujourd'hui, on a comme voulu mettre un peu les bémols là-dessus. Là. C'est pas encore officiel, c'est ça? Ben effectivement. Ce qu'on désire faire aujourd'hui, c'est pas de nier ce qui a été dit. C'est plutôt de dire qu'on n'est pas rendu à l'étape de l'annonce et de la confirmation officielle des deux équipes qui ont été citées. Dans le cas du groupe du Saguenay, c'est vraiment pas avancé dans leur dossier. Oui, il y a eu des demandes d'informations. Oui, il y a eu deux rencontres avec le groupe qui serait intéressé. Cependant, c'est une échelle de 20 dossiers, peut-être, à 20 étapes peut-être à franchir avant de pouvoir déposer un dossier de candidature officielle d'année. Ils sont rendus à peu près au niveau 2, là. Donc, c'est très prématuré d'avancer aujourd'hui qu'il y aura une équipe de hockey junior 3A au Saguenay. Je te dirais que oui, ils sont venus rencontrer le bureau des gouverneurs pour poser des questions, pour savoir comment ça fonctionne, répondre à certaines de leurs interrogations. Mais de sauter à l'étape, de dire que c'est confirmé, à ce moment-ci, c'est très, très prématuré. Et nous, on s'avancera pas de toute façon à dire quels sont ces gens-là. Tout ça parce que, comme je te dis, sont pas rendus à l'étape où ils doivent ficeler là, tout le budget, leur partenariat, la présentation. Donc, pour nous, là, on dit pas que ça arrivera pas, puis je dis pas que ça débouchera pas dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Ce que je dis, c'est qu'actuellement, ils sont pas rendus à l'étape d'annoncer ou de confirmer pourrait faire partie de la Ligue Junior 3 en 2020-21. OK. Dis-moi, Yves, ça a quand même réveillé des soupçons. La nouvelle a quand même sorti plus vite qu'on pensait. Tu parles que... Parce que là, depuis l'hiver dernier, il y a quand même eu une équipe qui s'est installée à la baie, la Ligue du Lac au Fleuve. La baie, c'est petit, hein. C'est quand même... C'est comme Delbault-Mississigny un peu. À peu près comme Delbault-Mississigny. As-tu l'impression que là, les gens du MGR Express vont travailler fort pour pas que ça arrive? Parce que quelque part, ça va être les mêmes commanditaires, là. Ouais, mais là, on parle d'une ligue provinciale. Nous, Ouais, mais si vous allez jouer dans les mêmes tales, pareil. Mais d'abord, dans un premier temps, Danny, nous, le groupe avec qui on discute actuellement, ils nous ont pas officialisé de site. Alors, okay. Je sais que la nouvelle a sorti que ça pourrait être à la baie, là, mais ils nous ont pas officialisé d'endroit où ils aimeraient jouer. Comme je le mentionnais à Michel Tifot précédemment, un petit peu plus tôt dans la journée, même lui qui est président de la commission des loisirs de la ville de Saguenay, il n'a jamais entendu parler du projet encore. Donc, tu sais, on parle. Puis la Ligue provinciale Junior 3, on parle pas d'une ligue de garage qui s'installe à quelque part, puis je comprends pas la Ligue du Lac au Fleuve du tout dans ce sens-là, là, mais je pense que ce serait tout à fait normal que le président de la commission des loisirs de la ville de Saguenay soit mis au courant qu'il y a une Ligue provinciale qui veut s'installer. Le groupe est pas rendu là. Donc, à ce niveau-là, moi, là, qu'il soit à la baie, à Chicoutimi, à Arvida, à Jonquière, on n'a pas entendu parler, là. Alors, ils n'ont pas parlé de site en particulier. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce que ça peut venir en conflit avec la Ligue senior? Pour notre part, non. parce que nos équipes de Montréal là, vivent avec des réalités de Ligue senior aussi. Ouais. Et c'est pas la même clientèle. Nous, on voit ça plus comme une opportunité, une continuité pour les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord qui auraient un but de jouer du hockey de compétition. Là, il y aurait une suite logique, comme je vous ai déjà parlé, là, ben ouais. Avec le Midget Espoir, les élites Midget 3A, la Ligue Junior 2A du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est reconnue comme une des plus fortes Ligues Junior 2A en province. Alors, c'est un complément tout simplement qui s'offre à ces joueurs-là, tout comme la formation des Genois d'Alma dans le collégial 3A, là au Lac-Saint-Jean. OK. Dis-moi, est-ce que du côté des gens, est-ce que ça va quand même faire reculer le projet pareil parce que ça a sorti trop vite? Est-ce que ça peut. As-tu parlé aux promoteurs depuis que la nouvelle est sortie? Oui, c'est sûr qu'on leur a parlé ce matin. OK. Eux, ben c'est sûr que là, ils n'étaient pas contents que ça ait sorti de cette façon-là parce que ils sont pas rendus à cette étape-là. Donc, eux, ils ont des gens à consulter, ils ont des gens à parler, à négocier des ententes. Puis là, ben ça a comme sorti un peu nulle part. Alors, c'est sûr qu'ils n'étaient pas contents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on rectifie le tir, puis on dit, ben oui, il y a des démarches, oui, il y a des intérêts. Les gens de la Ligue Junior 3 du Québec, lors des présentations, ont été favorables à leur projet, mais ils sont pas rendus à l'étape de déposer une candidature. Ils sont encore à l'étape de ramasser des informations pour valider des choses. OK. Est-ce que si la Ligue s'installe au Saint-Lac-Saint-Jean, est-ce que c'est convenu que de ne pas répéter les erreurs du multiconcessionnaire? Je m'explique. Beaucoup de monde payait le transport des équipes pour venir jouer ici. Est-ce que ça, c'est convenu? Est-ce que s'il y a équipe, qu'on ne fera pas les mêmes erreurs que dans le temps du multi? Tout à fait, Danny. Ça a été la première chose que la Ligue Junior 3A a mentionné à la formation, au groupe là, de Saguenay. C'est qu'il y a nullement question que ces conditions-là soient de retour. Et comme je te dis, là, les gens, on n'est pas rendu à établir le calendrier, la formule, tout ça, okay. ils sont pas acceptés. Mais il est nullement question que le groupe arrive et qu'il y ait des compensations financières à donner pour le transport ou des choses comme ça. OK. Montmagny avait pris un an avant, entre l'annonce de la concession et la première mise au jeu. Est-ce qu'on peut penser que ça va être la même affaire? Ben, ce serait souhaitable. C'est ce qu'on leur a mentionné. Nous, au niveau de la Ligue, les candidats qui ont déposé qui sont venus faire des présentations, on leur a mentionné que si leur dossier pouvait être prêt avant l'Assemblée annuelle de la Ligue qui est prévue en juin, si c'est fait, ben on aimerait qu'ils puissent siéger déjà comme qu'ils puissent envoyer déjà leur gouverneur à cette assemblée-là. Mais si c'est pas fait, là, c'est pas dramatique. Là. Okay. Ça peut être fait plus tard, ça peut être fait en août, ça peut être fait en septembre. Puis ils seront pas tellement en retard. Nous, ce qui est important, c'est qu'on voulait pas donner rapidement une équipe à quelqu'un qui est pas organisé, puis que ça tourne mal. Alors là, oui, c'est le même modèle qu'on veut mettre en fonction, le modèle de l'Everest de la Côte-du-Sud. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas puis qu'ils ont quelques mois de retard pour que ça soit un projet mieux ficelé, mieux organisé, puis que ça fonctionne bien, pour pas qu'on répète les mêmes erreurs qui s'est déjà passé, tant mieux, nous, on est prêts à ça. Le promoteur ou le groupe qui veut implanter une équipe au Saint-Lac-Saint-Jean, est-ce qu'il penchait plus vers le Saguenay ou vers le lac? On n'a pas parlé de ça, Danny. Je te dirais qu'ils sont venus prendre des informations. Okay. Eux sont venus en collecte d'informations, savoir les coûts, savoir le fonctionnement. Est-ce qu'entre autres, on répéterait les mêmes conditions qu'avec le multiconcessionnaire? Comment la Ligue voit son avenir et tout ça? Puis ça, ben, ça a été très, très clair. Comme je t'ai dit tantôt, on n'est pas rendu à l'étape où ils vont dire, voici notre dépôt de candidature, voici le nom de notre équipe, on va jouer à telle place. Ils sont pas rendus là. Fait que c'est pas plus avancé qu'au mois de novembre l'année passée? Ben oui, je veux dire, parce oui. Parce que mois de novembre l'année passée, c'était ça à peu près. Tu me disais à peu près ma fille, là. Fait ouais, que. Ben, en novembre dernier, là, c'est-à-dire, je te dirais plus en décembre, au moment ouais. où on est allé ouais. au challenge, puis ouais. de pouvoir l'appeler, ouais. là. Ouais. C'était les premiers contacts qu'il y a eu. Okay. Il y en a eu d'autres depuis ce temps-là. Donc, oui, il y a un avancement qui est fait. Je veux dire, je n'irai pas te dire qu'ils n'ont pas d'avancement et qu'ils ne savent pas où ils s'en vont. Ils ont un dossier qui commence à être ficelé, mais ils n'ont pas terminé. Alors, nous, tant que c'est pas terminé, c'est sûr que je te dirais que Saint-Georges-de-Beauce, actuellement, le groupe de Saint-Georges-de-Beauce est plus avancé qu'eux, bien qu'il n'ait pas plus confirmé à l'heure actuelle que celui de Saguenay. OK. Comment ça coûte une franchise maintenant dans Légion 3? Dans le temps, ça me semble que c'était 50 000 dans le temps. C'est encore ça. OK. Puis c'était 400 000 de budget d'opération dans le temps. Est-ce que c'est pour une équipe, le multiconcessionnaire, c'est-tu ça encore? Non. C'est 400 000 comptait probablement les frais qu'ils devaient payer pour les autres équipes. Je te dirais qu'actuellement, pour une équipe comme Montmagny, ça tourne autour de 275 à 300 000. Donc, on pourrait penser 325-350 facile pour l'AB. C'est ou ben, une équipe de Saguenay. Ça dépend de leur organisation, ça dépend de leur budget, ça dépend de comment ils vont ficeler cette partie-là de partenariat. Je te dirais qu'il y a des équipes qui ont des budgets plus élevés que d'autres. Ça dépend de qu'est-ce qu'ils offrent, puis ça dépend de quel encadrement qu'ils veulent donner aux joueurs. Nous, on incite tout le temps que l'encadrement soit le meilleur, parce que ça nous incite plus à avoir des partenariats avec la Ligue junior majeure du Québec, avec le Midget 3A, avec la NCAA. C'est plus facile à ce moment-là quand l'encadrement est parfait. Est-ce qu'il y a, eu un rapprochement entre la Ligue junior 3A et la Ligue junior majeure du Québec qu'a des joueurs? Parce que moi, je vois bien les Saguenayens piqués comme une espèce de club ferme pour les Sags. Est-ce que ça, il y a des rapprochements de fait? Ben, il n'y a pas de rapprochement dans le sens qu'on a déjà une entente avec la Ligue junior majeure du Québec. Alors, l'entente est déjà ficelée avec la Ligue junior majeure du Québec. La seule chose qu'un groupe, peu importe dans quelle ville où il s'en va, si mettons une équipe junior majeure, là tu me parles des Saguenayens, mais si les Saguenayens seraient intéressés à s'associer avec ce groupe-là, ils ont toujours la possibilité, sauf que nous, il faut tenir en compte qu'il y a un repêchage et que si, mettons, il y a des joueurs qui appartiennent aux Saguenayens, qui évolue, exemple, avec les Flames de Gatineau qui font également partie de notre ligue. Ben, s'ils veulent les avoir, il va falloir qu'ils s'entendent avec Gatineau pour avoir une transaction pour qu'ils puissent acquérir ces joueurs-là. Mais nous, on n'accorde pas des clubs fermes dans la Ligue junior majeure du Québec. On accorde des franchises dans la Ligue junior 3. OK. Ben, merci beaucoup, Yves, de clarifier la situation. Ça m'intéressait. C'est sûr que c'est plus au Saguenay qu'au Lac-Saint-Jean. Par contre, avec toute l'époque du multiconcessionnaire, on a connu ça, on a connu l'échec. Fait que c'est un dossier qui m'intéresse de ce dossier-là. Pas de problème, Danny, n'importe quand. L'adjoint commissaire de la Ligue Jean 3, Yves.